En 1752, lorsqu'il donne au théâtre cette Filia Obediente, dont une adaptation va vous être présentée dans quelques instants, Carlo Goldoni est déjà l'heureux auteur d'Arlequin valet de 2 mètres. Mais ce n'est que l'année suivante que commencera la triomphale carrière de la Locandiera. C'est dire qu'il n'est pas encore tout à fait parvenu à imposer sa fameuse réforme et qu'encore obligé d'utiliser les personnages de la Commedia dell'arte, il continue de se livrer sur eux, avant de leur arracher définitivement leur masque, à son patient travail de réhumanisation. C'est ainsi que dans La fille obéissante, Pantalon, tout en conservant l'âpreté au gain du pantalon archétype, se révèle également père au cœur tendre, et que Brighella, bien que continuant de s'appeler Brighella, est en réalité le portrait d'après nature du père d'une danseuse, sorte de monsieur cardinal avant la lettre, que Goldoni avait rencontré à Bologne. Et si la distribution comporte encore un arlequin conforme à la tradition, on y trouve également une Olivetta qui est, elle aussi, dessinée d'après nature et surtout ce comte Ottavio, aristocrate aussi extravagant que riche et aussi mufle que riche, qui annonce, en rose évidemment, certains personnages du marquis de Sade et dont le comique grinçant dépasse la simple caricature. En 1760, Voltaire lisait avec délices La fille obéissante et songeait même à la traduire pour le théâtre de Ferney. Elle m'enchante, disait-il. Quant à nous, nous souhaitons simplement qu'elle vous plaise. Aspect de la comédie italienne. La fille obéissante de Carlo Goldoni, adaptation inédite de Michel Arnaud. Avec, dans l'ordre alphabétique, Marcel Alba, Marcel André, Georges Audoubert, Michel Bernardi de la Comédie française, Régine Blaès de la Comédie française, Robert Chandeau, André Gilles, Josette Armina, Catherine Hubeau de la Comédie française, Pascal Mazzotti et Jean Péméja. L'émission est réalisée sous la direction artistique de Léon Ruth. Une petite salle chez M. Pantalon, négociant vénitien peu fortuné. C'est le matin et Mme Rosa Aura, la fille de M. Pantalon, est en train de travailler, sans grande conviction, à un ouvrage de broderie quand son amie Mme Béatrice vient la surprendre. Bonjour, chère Rosa Aura. Oh, chère amie, vous ne pouviez arriver plus à propos. J'étais seule, mélancolique. J'avais besoin d'un peu de compagnie. J'espère que ma venue chassera votre mélancolie. Auriez-vous à m'apprendre quelque chose d'agréable? Oui, et même de très agréable. Quelque chose qui va vous plonger dans la joie. Monsieur Florindo serait-il de retour? Bravo, vous avez deviné. C'est mon cœur qui me l'a dit. Et au sujet de l'avenir de votre amour, que vous dit votre cœur? Que le père de Monsieur Florindo veut sans doute qu'il épouse une fille richement dotée. Qu'il va être forcé de renoncer à moi. Votre cœur n'est pas toujours bon de vin. Au contraire, Monsieur Florindo arrive ici avec une lettre de son père pour le vôtre et... Et? Le père de Monsieur Florindo consent à votre mariage et souhaite même qu'on en hâte la conclusion. Je ne demande pas mieux. Oh, chère Béatrice, vous me rassérénez. Où est Monsieur Florindo? Il va être là d'un instant à l'autre, mais j'ai tenu à le devancer pour vous apprendre cette bonne nouvelle. Oh, chère amie. Je mériterais vraiment une récompense. Vous méritez toute l'affection dont mon cœur est capable. Non, cette affection, c'est à Monsieur Florindo que vous devez la réserver. Vous êtes toujours de bonne humeur. Chère Béatrice, j'envie vraiment votre heureux caractère. Chut, il me semble entendre quelqu'un. C'est sans doute mon père. Votre père? Ah non, c'est ce cher ami. Qui cela? Mais Monsieur Florindo. Vraiment? Vous changez de couleur. Allons, allons, souriez. On peut entrer? Mais oui, Monsieur Florindo. Entrez, entrez. Mesdames, je suis votre serviteur. Soyez le bienvenu, monsieur. On vous attendait comme le messie. Vous avez fait bon voyage. Excellent. Mais vous ne voyez donc pas qu'il est gras comme... Comme quoi, madame? Comme un perdreau. N'est-ce pas, Rosa? Je suis ravie, mesdames, de vous voir aussi gaie. Il y a quelques instants, vous n'auriez pas pu dire ça de madame Rosa Aura. Vous étiez triste, chère Rosa Aura. Oui, je l'avoue. À cause de votre absence. Et à cause aussi de mes craintes quant à notre avenir. Tout est arrangé, Rosa Aura. Elle le sait, elle le sait. Je viens de lui dire. Vous m'avez privé de la joie d'être le premier à lui apprendre cette bonne nouvelle. Vous comptiez peut-être sur la récompense dont elle voulait me gratifier. Mais quelle récompense, Rosa Aura? Rien, rien, Madame Béatrice Plaisante. Elle voulait me donner tout l'amour dont son cœur est capable. Voyons, parlons sérieusement. Votre père consent vraiment à notre mariage? Il en est ravi. Il sait que ma dot est loin de correspondre à sa fortune. Il sait tout. Il sait surtout que vous êtes une jeune fille irréprochable. Et étant un homme on ne peut plus sage, il préfère à une riche dot une bru bien élevée et raisonnable. J'en suis très heureuse. Avez-vous déjà vu mon père? Non, pas encore. Je me suis tout de suite présentée chez lui pour lui remettre la lettre de mon père, mais il était sorti. C'est avec joie qu'il va accueillir cette nouvelle. Je sais qu'il a de l'affection pour moi. Il craignait que votre père ne veuille vous marier à son idée. Heureusement que je ne suis pas arrivée 4 jours plus tard. Mon père était sur le point de disposer de moi. Mais enfin, vous allez être mienne. Je n'ose encore y croire. Je ne vois pas quels autres obstacles pourraient se présenter. Mon père est d'accord. Quant au vôtre, vous savez combien de fois il a dit qu'il verrait d'un bon œil notre mariage. Alors? Oui, vous avez raison. Oh, le ciel en soit remercié. Vous devez être fatigué, monsieur Florindo. Vous êtes venu par la voie de terre? Non, je suis venu par le coche d'eau. Vous vous êtes amusé pendant le voyage? Je me suis mortellement ennuyé. Il y avait à bord une danseuse qui n'arrêtait pas de parler. Quant à son père, il n'a fait que me rebattre les oreilles des talents de sa fille. Moi, je crois plutôt que la compagnie de cette danseuse a dû vous divertir. Mais ma parole d'honneur, je ne pouvais pas la souffrir. Comment s'appelle cette danseuse? Est-ce que nous la connaissons? Vous la connaissez sans doute, c'est une certaine Olivetta. Ne serait-ce pas la fille d'un certain Brigalla? Oui, c'est cela. Oh, mais je la connais. Ah. Son père a été valet chez nous. Valet? Mais à l'entendre, c'est un grand seigneur. Vous ne savez donc pas que les entrechats des filles anoblissent toute la famille? Mesdames, messieurs, mon maître vient d'arriver. Vous lui avez dit que j'étais là, Arlequin? Vous pensez bien que non. Je connais mon métier, moi. Vous avez très bien fait. Vous comprenez, Rosa Aura, je n'aurais pas voulu qu'il sache que ma première visite a été pour vous. Faisons la chose suivante, monsieur Florindo. Descendons par l'escalier dérobé et faisons comme si nous arrivions seulement maintenant. Bon, bon. Vous pouvez aller, Arlequin. Dans un instant, je me présenterai à votre maître. Bien, monsieur. Celui-là, il mérite qu'on le soigne. Il me donne toujours la pièce. Toujours à votre service, monsieur. Vous me laissez? Vous aussi, madame Béatrice? Il est inutile que vous vous dérangiez. Non, non, non, je vous accompagne. Je vous accompagne, je tiens à voir comment ce cher monsieur Pantalon va accueillir la nouvelle. Cher ami, laissez-les donc parler tranquillement tous les deux. Non, non, non, je veux être là, moi aussi. Allez, venez, monsieur Florindo. Je reviens tout de suite, ma bien-aimée. Oui, cher Florindo. À tout à l'heure. Je ne pouvais souhaiter plus grand bonheur que celui-ci. Et mon père, lui aussi, va être bien content. Il m'a dit 100 fois que le comble de ses vœux était de me voir la femme de Monsieur Florindo, qui est le fils unique d'un très riche négociant. Mais il n'osait pas espérer que le père de Florindo y consentirait. Oh, voici mon père. Il est impossible que Florindo lui ait déjà parlé. Ma fille, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Vous l'avez vu? Qui cela? Mais Monsieur Florindo! Monsieur Florindo? Il est de retour à Venise? Oui, vous ne le saviez pas? Il veut vous voir! Vous l'avez vu? Non, mais Madame Béatrice vient de me faire une petite visite et m'a tout raconté. Mais qu'est-ce qu'elle vous a raconté? 1000 choses, l'une plus agréable que l'autre. Monsieur Florindo est de retour. Il a une lettre de son père, celui-ci est d'accord sur tout. Il vous estime, il m'estime, il consent à notre mariage. Et Monsieur Florindo est revenu exprès à Venise pour m'épouser. Ah non, d'un petit bonhomme. Mon Dieu, qu'y a-t-il? Ben, ce qu'il y a, c'est que M. Florindo arrive trop tard. Comment cela, trop tard? Oui, oui, oui, madame, trop tard. Pourquoi n'a-t-il pas écrit tout de suite? Il a voulu apporter cette nouvelle en personne. Eh bien, il en a fait du joli. Je vous en prie, ne me tenez plus en suspens. Dites-moi. Ben, en un mot, commençons, je vous ai promise à un autre. Et il y a 2 heures que j'ai signé le contrat. Oh, ciel! Sans m'en parler. Mais il n'y avait pas de temps à perdre. On ne pourrait rêver un plus beau parti, un homme qui est noble, riche et généreux. Mais avoir fait cela sans m'en parler... Mais, ma chère enfant, je ne sais que dire. C'est le hasard qui l'a voulu ainsi. Votre fiancé est d'un caractère un peu extravagant. Je sais que si on ne le prend pas au mot au bon moment, il change facilement d'avis. Je l'ai trouvé dans de bonnes dispositions, mes amis m'ont conseillé de le faire, et je l'ai fait. Nous avons signé le contrat et on n'y peut plus rien. Cet homme riche, noble et extravagant. Ne serait-ce pas par hasard, monsieur le comte Ottavio? Tout juste. Que vous en semble. Est-ce un parti à laisser échapper? Pauvre de moi. Vous m'avez sacrifié. Sacrifié? Pourquoi? mais parce que ses extravagances, son humeur, son tempérament bizarre me sont connus. Ben, dans ce cas, sa richesse et sa noblesse doivent aussi vous être connues. Et vous pouvez être sûr qu'une femme sachant s'y prendre fera sans le moindre mal ce qu'elle voudra de lui. Bref, vous allez avoir une vie de reine. Il m'abandonnera au bout de 4 jours. Me prendriez-vous pour un bonnet? Il vous reconnaît 10 000 ducats de dot. Oh, monsieur mon père, l'intérêt vous a aveuglé. Vous me surprenez, madame. Je n'ai pas fait cela par intérêt. Je l'ai fait à cause de l'amour que j'ai pour vous. Mes moyens ne me permettent pas de vous assurer le sort que vous méritez. Le ciel me présente une occasion inespérée pour vous. Et vous voudriez que je la laisse échapper, voyons. Ce serait très mal vous aimer. Toujours est-il que j'ai dit oui et que la chose est conclue. En Zohara, vous allez être la femme de monsieur le comte Ottavio. Et le pauvre monsieur Florindo. Monsieur Florindo arrive trop tard. Vous avez pourtant toujours eu de l'affection et de l'estime pour lui. Oui, oui, je le reconnais. Et combien de fois avez-vous dit que vous souhaiteriez l'avoir pour genre? Je ne le conteste pas. Eh bien, voici le moment. Non, non, non. Monsieur Florindo arrive trop tard. 2 heures doivent-elles décider de mon sort? Oui, madame. Et même un instant suffit. Mais monsieur Ottavio... Monsieur le comte Ottavio sera là dans quelques minutes. Monsieur le comte Ottavio, voulais-je dire, n'a pas eu ma parole. Il a eu la mienne, et cela suffit. Vous allez disposer de moi sans même me demander où vont mes inclinations? Rosohara, vous avez toujours été une fille obéissante, et vous vous êtes toujours enorgueillie de votre obéissance. Eh bien, c'est le moment de faire plus encore ressortir celle-ci. L'obéissance n'a aucun mérite quand elle n'a pas à l'emporter sur la passion. C'est à votre obéissance que je demande son consentement, afin que vous ayez le mérite de votre gratitude envers moi. Du reste, dans le cas contraire, pour obtenir votre consentement, mon autorité suffit. Je suis votre père, et je puis donc disposer de vous à ma guise. Je sais que vous n'avez rien contre le mariage, et que vous le préférez à tout autre état. Donc, en vous mariant, je vais dans le sens de votre inclination. Quant au choix de votre mari, c'est à moi qu'il revient de le faire. Ce choix, je l'ai fait. Et vous, en fille prudente, résignez-vous et louez-le. Mais monsieur Florindo, qui est revenu exprès de Livourne, ne serait-il pas possible? Il n'y a rien à faire. Monsieur le comte va être là d'un instant à l'autre. Voyez au moins monsieur Florindo. Je le verrai, mais il sera trop tard. Oh, que je suis malheureuse. Allons, Rosara, ne vous désespérez pas. Du reste, je vais vous dire, le mariage, quand on le contracte de bon gré, moi je le compare à un sorbet. Et quand on le contracte de mauvais gré, à une médecine. Le sorbet, on le consomme avec plaisir, mais le plaisir passe vite. Et ensuite, on a la colique. La médecine vous donne un peu la nausée, oui, oui. Mais quand elle est dans votre estomac, elle vous fait du bien. Puisque le sorbet de M. Florindo vous est interdit, prenez le sirop de M. le comte Ottavio, et vous verrez que vous vous en trouverez bien. Une autre salle de la maison de M. Pantalon. Quelques instants plus tard, Béatrice et Florindo attendent avec une certaine impatience la venue de M. Pantalon, et celui-ci, entrant alors, ne semble guère ravi de les trouver là. Votre serviteur, M. Pantalon. Le vôtre, madame et monsieur, le vôtre. Notre cher monsieur Florindo nous a fait la bonne surprise de revenir porteur de merveilleuses nouvelles. Vous avez fait bon voyage, monsieur. Excellent. Quand on va se marier, on fait toujours bon voyage. Monsieur Florindo... Comment se porte monsieur votre père? Très bien, il me charge de vous saluer. Monsieur son père est impatient de voir se conclure. Monsieur votre père supporte gaillardement son âge. À la vérité, on dirait qu'il rajeunit. Ah. Et maintenant que son fils va se marier... Ses affaires marchent bien? Il n'y a pas à se plaindre. Allons, monsieur Florindo, donnez-lui la lettre de votre père et parlons de ce qui importe le plus. Tenez, monsieur, voici une lettre de mon père. Merci. Cette année, la vanille est très chère, n'est-ce pas? Elle est hors de prix. Et le cacao, il y en a? En abondance. Voyons, monsieur Pantalon, décachetez cette lettre et lisez-la. Il y a quelque chose qui vous concerne dans cette lettre, madame? Non, mais il y a quelque chose qui intéresse Madame Rosaura. Elle a certainement dû vous dire... Monsieur Florindo, combien de temps avez-vous mis pour venir de Livourne à Venise? À 3 jours de Livourne à Bologne et autant de Bologne à Venise. Si seulement il était arrivé un jour plus tôt. Monsieur, si vous vouliez bien avoir la bonté de lire cette lettre... Connaissez-vous à Livourne un levantin nommé Mustapha Sicia? Non, je ne le connais pas. Vous savez que j'ai presque toujours vécu à Venise et cette fois-ci, je n'ai passé que 5 jours à Livourne. Le temps d'obtenir de son père l'autorisation de prendre pour femme. Il paraît que Livourne est une très belle ville. Petite mais jolie. Ah, ben c'est simple de nos vies de la connaître. Oh, quoi, monsieur Pantalon, ouvrez cette lettre. Je l'ouvrirai quand je voudrai, madame. Et bien, puisque vous ne voulez pas l'ouvrir, je vous dirai que le père de monsieur Florindo. Que dit monsieur votre père au sujet de cette facture de bougie que je lui ai envoyé. Vous verrez également cela dans cette lettre. Bien, bien, bien, bien. Enfin, pourquoi ne la lisez-vous pas maintenant? Je n'ai pas mes lunettes, je la lirai plus tard. Sachez que monsieur Florindo a obtenu la permission... Vous avez appris cette faillite de Palerme? J'en ai entendu parler. Monsieur votre père, en a-t-il été affecté? Je crois qu'il vous parle aussi de cela dans sa lettre. Et il me semble qu'il vous avise que l'un de vos correspondants de Livourne a également fait faillite. Un de mes correspondants? Lequel? Il tire ses lunettes de sa poche et les met pour lire la lettre. Vous voyez bien que vous avez vos lunettes. Lisez. Ah oui, maintenant je me rappelle, ça n'est rien. Ce correspondant m'a écrit, nous étions un jour. Oh, le diable l'emporte. Il a mis la lettre dans sa poche. Monsieur, avec votre permission... Vous voulez vous en aller, ne vous gênez pas. J'aurai à vous parler. Nous nous reverrons quand vous le désirez. Mais c'est maintenant qu'il doit vous parler. S'il vous plaît, madame, en quoi cela vous concerne-t-il? Cela me concerne parce que madame Rosa Aura... Monsieur le comte Ottavio est là. Il est le bienvenu. Dis-lui d'avoir la bonté d'attendre un petit instant. Je suis à lui tout de suite. Bien, monsieur. Si vous permettez, monsieur Florindo, j'ai une petite affaire à traiter avec ce gentilhomme. Je reviendrai donc vous déranger. À votre disposition. Enfin, voyons, monsieur Florindo, dites-lui au moins... Mais, chère madame, vous n'avez pas entendu que ce gentilhomme attend? Monsieur Pantalon a raison, madame. Ne l'importunons pas plus longtemps. Et du reste, mon affaire n'est pas de celle que l'on peut expédier en quelques mots. Je reviendrai aujourd'hui même vous voir. Oui, aujourd'hui, demain, quand vous voudrez. Rosa Aura ne lui a rien dit. Je ne sais que penser. Au revoir, monsieur Pantalon. Au revoir. Monsieur Pantalon. Ah, chère madame, je vous en prie. Un mot et je vous laisse. Le père de monsieur Florindo consent. Ce gentilhomme attend, consent madame. À ce que son fils épouse madame Rosa Aura. Ouf, je l'ai dit. Votre servante, monsieur Pantalon. Ah, cette année, madame Béatrice. Moi, je ne peux pas souffrir ces gens qui veulent toujours se mêler de ce qui ne les regarde pas. Moi aussi, je suis désolé pour M. Florindo. Mais je sais qu'y faire. Je n'ai pas eu le courage de dire à ce pauvre garçon que Rosa Aura n'est plus libre. Ah, voici M. le comte. Le comte Ottavio vient effectivement d'entrer. Il est vêtu de façon assez extravagante, c'est-à-dire qu'il a un habit magnifiquement brodé, mais ses bas sont noirs et en tire-bouchon, et sa perruque est mal peignée. Arlequin, qui lui a ouvert la porte, s'est écarté pour le laisser entrer et lui fait de profondes révérences. Le comte, sans mot dire, regarde attentivement Arlequin, puis, lui faisant signe d'approcher, il tire une bourse de sa poche et lui donne un sequin. Pantalon, lui aussi, fait de nombreuses révérences au comte Ottavio, mais celui-ci, tout occupé d'Arlequin, ne fait pas attention à lui. Que t'a-t-il donné, Arlequin ? Un sequin. Quand je dis que ma fille aura une vie de reine. Votre serviteur, monsieur Pantalon. Le vôtre, très humble, monsieur le comte. Je vous ai déjà salué, mais vous ne me regardiez pas. Oui, madame Rosa Aura. Elle va venir tout de suite. Arlequin, dis à madame Rosa Aura de venir ici. Bien, monsieur. Je vous en prie, monsieur le comte, asseyez-vous. Je ne suis pas fatigué. Que dites-moi, madame Rosa Aura? Elle est contente? Vous voudriez qu'elle ne le soit pas. Vous lui apportez une bagatelle. Un petit cadeau? Tenez, vous lui donnerez ça vous-même. À vos ordres, monsieur le comte. Je parie que c'est une babiole de rien du tout. Je peux regarder? Oh, oui. Oh, des bijoux. C'est du vrai, monsieur le comte? Oui, ce sont des diamants. Comme ça? Dans un vulgaire morceau de papier? Ah, mais le papier, vous pourrez vous en servir. Vous êtes trop bon. Quel homme bizarre. Oh, mais c'est là un cadeau princier, monsieur le comte. Je ne sais pas, moi, il y en a au moins pour 2000 ducats. Pour plus ou pour moins? Ah, si j'ai dit une sottise, veuillez m'excuser. Moi, je ne suis pas dans les bijoux, je suis dans l'épicerie. 4000 ducats. 4000 ducats? Et comme ça? Dans un vulgaire morceau de papier? Madame, ma fiancée ne vient pas. Si vous le permettez, je vais aller moi-même la chercher. Je lui donnerai ses magnifiques bijoux. Cela la mettra de bonne humeur. Priez-la de ne pas me faire attendre. Oui, je reviens tout de suite. Ottavio tire sa tabatière de sa poche et prend une pincée de tabac. Hola, quelqu'un? Vous désirez, illustrissime? Un siège. Et à vos ordres, illustrissime. Oh, s'il pouvait pleuvoir un autre sequin. Hein? Voilà votre siège, illustrissime. L'avion s'assied et prend une nouvelle prise. Excusez-moi, illustrissime, vous ne voudriez pas m'en donner une petite prise? Ottavio le regarde bien en face et remet sa tabatière dans sa poche. Pardonnez-moi, illustrissime, mais j'ai le vice du tabac et je n'ai pas de tabatière. Ça fait des années que je suis valet, mais je n'ai jamais réussi à mettre de côté de quoi m'acheter une tabatière digne d'un honnête homme. Combien gagnes-tu? Un philippe par mois. Ouais. Mais c'est moi qui dois m'habiller. Vous voyez, illustrissime, ce n'est pas une vie. Les pourboires sont plus que rares, car tout le monde n'est pas aussi généreux que votre illustrissime seigneurie. Puisse le ciel vous tenir compte du sequin que vous m'avez donné. J'en avais vraiment besoin. Mais pour me tirer d'un gros ennui, m'en faudrait un autre. Enfin, le ciel y pourvoira. Bon, il tire sa bourse de sa poche. Le voici qui arrive, mon sequin. Chante-moi une chansonnette. Une chansonnette? Ah mais, je ne sais pas chanter, illustrissime. Fais-moi la cabriole. Oh, j'en suis encore plus incapable, illustrissime. Je n'ai aucun talent. Dis-moi, combien as-tu volé à ton maître? Oh, pardonnez, je suis un honnête homme, moi. Mais les honnêtes gens ne manquent jamais d'argent. Mais, illustrissime, je suis aussi un pauvre homme. Vraiment pauvre? Oh oui, illustrissime. Et j'ai même femme et enfant. Elle est jolie, ta femme? Ah, ma foi, pour dire la vérité, elle n'est pas laide. Quand on a une jolie femme, on ne manque jamais d'argent. Oh, cher illustrissime, si vous pouviez tout de même m'aider. Écoute un peu. À vos ordres, illustrissime. T'es un coquin. Votre illustrissime seigneurie est trop bonne. Allez, va-t'en. Mais est-ce que vous ne pourriez pas... Va-t'en ! Tout de suite, illustrissime. Mais auparavant, permettez que je fasse mon devoir. Arlequin se penche pour baiser le pan de l'habit du comte. Celui-ci lui crache au visage et le regarde avec mépris. Je remercie votre illustrissime seigneurie. Tous des coquins. Moi, je donne quand je veux. Bande de coquins. Voici, monsieur le comte. Votre esclave. Mais où allez-vous? Puisque ma fiancée ne vient pas, je ne vois pas ce que je fais ici. Mais elle arrive tout de suite. Elle prend congé d'une amie et elle arrive. Oh, cette sainte année, madame Béatrice est toujours là, intriguée. Oh, je m'ennuie. Vous êtes trop bon. Prévenez votre fille que j'ai horreur d'attendre. Mais la voici qui vient. Mais je n'attends jamais. Madame Béatrice est avec elle au diable, cette femme. Il faut qu'elle fourre son nez partout. Votre très humble servante, monsieur le comte. Votre très humble serviteur, madame la comtesse. Vous m'honorez là d'un titre que je ne mérite pas. Moi aussi, monsieur le comte, je suis votre très humble servante. Votre esclave, madame. Qui est-ce? Une vénitienne, amie de ma fille. Elle est pas mal, elle est grassouillette. Veuillez avoir l'obligeance de vous asseoir. Hola, Arlequin, des sièges. Arlequin apporte des sièges à tout le monde. Quand il avance un siège à Ottavio, celui-ci se racle la gorge. Arlequin, craignant un nouveau crachat, s'esquive et sort. Ottavio regarde fixement Rosaura sans mot dire. Monsieur le comte a fait cadeau de magnifiques bijoux à madame Rosaura. Un cadeau digne du noble et généreux gentilhomme qu'est monsieur le comte. Monsieur le comte, aurais-je quelque chose d'extraordinaire pour que vous me regardiez aussi fixement? Vous me plaisez. Madame Rosaura est une jeune personne vraiment exceptionnelle. Elle a toutes les qualités. Elle est jolie, elle est gracieuse. Oui, je sais. Je disais ça... Écoutez, madame Béatrice, il vaut mieux ne parler que lorsqu'on vous le demande. Votre main, madame Rosaura. Oh, monsieur, excusez-moi. Chère Rosaura, vous ne pouvez pas faire à monsieur le comte l'affront de lui refuser votre main. Pauvre Florindo. Béatrice l'a déjà oublié. Allons, allons, Rosaura, donnez-lui la main. Votre fiancé, c'est permis. Ne faites pas de si magré. Vous savez pourtant, monsieur mon père, que je ne suis pas habituée. Vous savez, monsieur le comte, ma fille a été bien élevée. Allons, Rosaura, donnez-lui la main. C'est moi qui vous l'ordonne. Voici ma main, monsieur le comte. Ah, retirez votre gant, madame ma fiancée, j'ai horreur des gants. Mais monsieur, la politesse, la propreté... Vous avez la gagne? Monsieur... J'ai horreur des gants. Monsieur le comte, si le caractère de ma fille ne vous plaît pas, sachez que je suis prêt à vous rendre votre liberté. Une prise? Non, je vous parle sérieusement, vous savez. Je vous estime infiniment, mais j'aime ma fille. Et je ne voudrais pas que, vous repentant de l'avoir épousée... Vous... Oui, taisez-vous. Tenez, madame Rosaura, je vous donne ma tabatière. Très obligée, mais je ne prise pas. Mais elle est en or, vous savez. Non, vraiment, je vous remercie. Tenez, vénitienne grassouillette. Vous me la donnez, monsieur le comte. Bah, oui. Oh, comment refuser un cadeau aussi gracieusement offert? Merci, monsieur le comte. Oui, eh bien, elle ne se fait pas prier, elle. Monsieur le comte, je vous répète que ma fille est un petit peu farouche. Et si par hasard, vous regrettiez... Non, mais taisez-vous. Fasse le ciel qu'il le regrette. Vous voyez ce papier, monsieur Pantalon ? Oui, oui, c'est notre contrat. Mais si vous voulez le déchirer... Vous êtes homme d'honneur. Je me flatte de l'air. Moi aussi, ce qui est écrit est écrit. Oui, mais ce non-obstant... Ce soir, madame Rosa aura, vous m'accorderez votre main. Ce soir ? Sans gants. Non, mais vous voulez donc... Ce soir. Compte, mais oui. Mais oui, mais oui, mais pourquoi remettre à demain ce que... Mais de quoi vous mêlez-vous, vous ? Vénitienne Grassouillet, réveillez ma fiancée. Ah, vous pouvez compter sur moi. Il n'y a plus rien à faire, il va falloir que je tienne parole. Vous ne m'avez pas encore assez regardé, monsieur le comte. Ce soir. Mesdames, monsieur, votre esclave. Oh, monsieur mon père, est-ce que vous voyez l'homme extravagant que c'est ? Ouais, oui, il a ma parole. Il faut que vous l'épousiez. Oh, Béatrice, et ce pauvre Florindo. Et quoi, chère Rosaura ? Florindo ne vous a jamais donné d'aussi beaux bijoux. Le pauvre. Il va donc falloir que je l'abandonne. Oh, quoi ! Un homme en vaut un autre. Et si moi, je n'avais pas déjà un mari, c'est volontiers que je vous débarrasserais de monsieur le comte. 4000 ducats de bijoux. Ça, c'est ce que j'appelle un fiancé. Mon cœur vaut plus que tous les bijoux du monde. Et si je dois le sacrifier, ce sera à mon devoir, et non à l'intérêt. Une salle d'hôtellerie. Brighella, en costume de voyage, et Limas, son valet, entrent suivis des serviteurs de l'hôtellerie, porteurs des malles et des autres bagages de Madame Olivetta. Doucement, mais doucement avec cette malle! Il y a dedans un service en porcelaine de Saxe qui vaut 400 sequins. Cette pièce-ci va être notre salon de réception. Mais, monsieur, cette pièce est une salle commune. Madame, votre fille pourra recevoir dans sa chambre à coucher. Êtes-vous fou ? Vous voudriez que Madame Olivetta, ma fille, reçoive dans sa chambre à coucher. Le matin, quand elle n'est pas levée, elle reçoit au lit. Et quand elle est levée, il lui faut son salon de réception. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il n'y ait pas d'antichambre. S'il vous faut un palais, ce n'est pas ce qui manque à Venise. Bien sûr, je vais nous chercher un palais. À Vienne, à Berlin, à Dresde, à Lisbonne, à Madrid, à Londres, Madame ma fille a toujours eu les premiers appartements de la ville. Avancez-moi ces deux guéridons. Où voulez-vous que je les mette ? Là, un de chaque côté. Limas ? Monsieur ? Prends ces clés, ouvre cette malle et tire-en notre argenterie. À vos ordres. Qu'est-ce que vous croyez ? Nous avons notre argenterie, nous. Je m'en réjouis. Et elle est tout entière le fruit des nobles fatigues de Madame Olivetta. J'en suis convaincu. Vous voyez, ces deux candélabres, c'est de l'argent massif. Les deux autres aussi. Et ils sont à nos armes. Est-ce qu'il y a des bougies, Limas ? Non, on n'en a plus. 4 bougies, petit. Je n'ai que des chandelles. Tant pis, faute de mieux. Mais des chandelles dans ces candélabres en argent ? Mais qu'est-ce que ça fait ? C'est les candélabres qu'on regarde, et non ce qu'il y a dedans. Bien, bien, je vais vous chercher vos chandelles. Vite, Limas, sors-moi les soucoupes. Oui. Les timbales, la chaufferette, les tasses, la salière. Et tout cela est en argent. Et ça vous en met plein la vue. Voici les chandelles. Donnez. Ah, et maintenant, vite, vite, un trépied. Ça peut faire l'affaire, ça ? Oui. Vous voyez ce bassin en argent ? Eh bien, c'est avec mes sous que je me le suis acheté. Il n'a rien coûté à Madame Olivetta. Votre seigneurie fait du commerce. Je vais vous dire en confidence. Tout le monde envoie du chocolat à Madame ma fille. Et moi, ce qui reste, je le revends. Et je m'offre des bagatelles. Vous êtes un homme de ressources. Tiens, Limas, ouvre ce Geldschrank. Qu'est-ce que c'est, ce que vous dites ? Oh, mon pauvre ami. Mais vous autres en Italie, vous ne savez rien. Geldschrank est un mot espagnol qui veut dire le machin qui est là. Oh, un coffret, une cassette, quoi. Si vous voulez, ou quelque chose de ce genre. Sors-en la montre en or, Limas. Vous voyez cette montre ? Londres, à répétition. 200 ducats, pas moins. Est-ce qu'on trouve en Italie des montres comme ça ? Est-ce que les danseuses y ont de ces trésors ? Les pauvres, elles peuvent toujours tirer leur chapeau à Madame Olivetta. Ça aussi, c'est le fruit des talents de Madame Olivetta ? Mais bien sûr ! Un milord la lui a donnée un soir parce qu'elle lui avait fait un fouetté. Un fouetté ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais vous ne savez donc rien, monsieur le sot. Un fouetté, c'est... un fouetté. Vite, vite, Limas, les bonbonnières, les bijoux. Oui. Que de belles choses! Vous voyez cette bague? Vous voyez ce cabochon de brillant? C'est un prince allemand qu'il a donné à Madame Olivetta, parce qu'elle avait eu la bonté de se laisser faire son portrait. Elle a de la chance, Madame Olivetta. De la chance? Mais du talent, monsieur! Du talent! Il va falloir maintenant apporter des paravents et tendre des cordes. Pour quoi faire? Pour suspendre les robes de Madame Olivetta, afin qu'elle prenne l'air. Elle en a beaucoup? Elle en change tous les jours. Il lui arrive même d'en changer deux fois. Si vous le permettez, on m'appelle. Vous pouvez aller, je n'ai plus besoin de vous. Vous ne me donnez rien pour avoir aidé à porter vos malles? Si fait, tenez. Deux sous? Vous ne me donnez que deux sous? Vous savez, moi, je ne suis pas regardant. Si votre fille avait gagné ce qu'elle a, deux sous par deux sous, elle serait fraîche. Quel coquin, ces valets d'auberge. Allons, Limas, va dire à Madame Olivetta que son salon de réception est prêt. Il y a deux ans, le salon de réception, c'était la cuisine. J'y cours, monsieur. Ça me fait un de ces plaisirs de voir toute cette belle argenterie. Pauvre chère petite. Elle a des manières si élégantes qu'elle soutirerait des cadeaux à un caillou. Alors, madame ma fille, comment on va? Vous n'êtes plus fatiguée du voyage? Non, mais j'ai encore dans les narines la puanteur du bateau. Oh, vous n'avez rien à respirer? Si, j'ai cette eau de mélisse. Oh! C'est la première fois que je vois ce petit flacon en or. Depuis quand l'avez-vous? Je l'ai eu sur le bateau. Félicitations! Sur le bateau? C'est pas en faisant des cabrioles qu'elle l'a gagné, son flacon. Voulez-vous vous laver les mains? Je viens de me les laver. Mais vous ne vous les êtes pas lavés dans le bassin en argent! Qu'importe! Cher Olivetta, lavez-vous les une autre fois. Il me semble qu'elles ne sont pas très propres. J'ai prisé. Vous voyez, moi j'aime la propreté. Lavez-vous-les dans le bassin en argent. Oh, si vous y tenez! Madame, monsieur, un gentilhomme étranger qui loge dans cette hôtellerie voudrait vous rendre visite. Oh, tu entends, Olivetta? Tout de suite des gentilshommes. Qui est ce gentilhomme? Un certain monsieur le comte Ottavio. Sans doute un quelconque décavé. Ma fille ne reçoit pas de visite. Oh, vous savez, ce gentilhomme est riche et généreux. Bon, je consens à le voir. Priez-le d'entrer. Inutile, le voici. J'ai horreur d'attendre. Votre dévouée servante, monsieur le comte. Oh, pardonnez-moi, je vous prie. Vous me trouvez en train de me laver les mains. Vous pouvez vous laver tout ce que vous voulez. Veuillez vous asseoir. Un siège, petit. Vous êtes danseuse? Pour vous servir. Mais vous savez, monsieur le comte, ce n'est pas une de ces danseuses italiennes. Vous êtes française? Non, monsieur le comte. Je suis italienne. Tout à fait, italienne. Et que voulez-vous dire? Dites-moi, mon brave homme. C'est à moi que vous parlez? Oui. Excusez-moi, mais... Vous n'êtes pas un brave homme? Si, mais je suis le père de Madame Olivetta. Donnez-moi une prise de tabac. Désolé, j'ai perdu ma tabatière. Désolé, j'ai fait cadeau de la mienne. Olivetta, donnez-lui une prise du veau. De celui qui est dans votre tabatière en or. Oh, ce serait volontiers, mais ma tabatière est vide. Montrez. Voilà. Vous savez, elle vient de Paris, cette tabatière. Elle est en or massif. Tenez, achetez-vous du tabac. Oh, vous êtes trop bon. Il me plaît, il sait se conduire. Ma chère fille, laissez-moi voir si, en raclant votre tabatière, je ne pourrais pas me trouver une prise. Tenez. Il s'est fendu de 5 sequins, il n'y a rien à redire. Où dansez-vous cette année? Je ne le sais pas encore. Nous avons de nombreuses propositions, mais aucune ne nous convient. Et comme, grâce au ciel, nous ne courons pas après les engagements... Voilà, quelqu'un? Votre seigneurie désire? Dites à mon valet de m'apporter ma robe de chambre. À vos ordres. Il ne va tout de même pas se déshabiller ici. Faites donc voir, monsieur le comte, votre beau camé en cornaline. Tenez, le voici. Il est sale. C'est exprès, car le sujet en est un peu lascif. Et ma fille, qui est la modestie même, ne le porte pas volontiers. Elle voudrait s'en défaire. Vous voulez le vendre? Elle voudrait le mettre en loterie. Un sequin le billet. Si nous trouvions seulement un preneur pour 10 billets, nous le tirerions au sort sur le champ. Il vaut 2 sequins. Très bien, on tirera cette loterie aujourd'hui. Où cela, monsieur le comte? J'ai ma fiancée. Vous vous mariez? Oh, félicitations. Qui est votre fiancée, si ce n'est pas indiscret? Nous l'aurons, notre loterie, Olivetta. Il a l'air généreux. Dommage qu'il se marie. Oh, Sans doute un mariage de raison. C'est Madame Rosaura Bisognosi. Qui cela? Ma fiancée. Madame Rosaura? Vous la connaissez? Elle est de mes amis. Ça fait un bout de temps que nous nous connaissons. Je ne voudrais pas qu'ils lui disent que j'étais leur valet. Si vous venez aujourd'hui chez elle, nous tirerons cette loterie. Qu'en dites-vous, papa? Mais oui, oui, oui, allons-y. Vous viendrez nous prendre en gondole, monsieur le comte. Ils sont parfaits. Oui, en gondole. Le valet d'Ottavio entre, porteur de la robe de chambre de celui-ci. Ottavio retire sa perruque et se prépare à se débarrasser de son habit. Il n'a guère de respect pour ma fille. Avec votre permission, monsieur le comte. Vous partez? Oui, une affaire urgente. Venez dîner avec moi. Excusez-moi, mais... Ce sera un honneur pour nous. Les hommes mal élevés, moi, je ne peux pas les souffrir. Votre servante, monsieur le comte. Oh, quel bel habit que vous avez là, monsieur le comte. Ottavio prend son habit et le jette à la figure de Brighella. Comment? Mais pourquoi me faites-vous cet affront? Je vous le donne. Vous me le donnez? Oui. Serviteur. Je ne sais que dire. C'est un affront, mais il est de ceux qu'on peut endurer. Et puis, cet habit est digne du père d'une virtuose telle que madame, ma fille. Madame Béatrice a rencontré Florindo dans la rue, et le voyant désespéré, elle a décidé une fois de plus de se mêler de ce qui ne la regarde pas. Et la voici maintenant qui entre dans la chambre de Rosaura, et trouve celle-ci assise à son secrétaire. Vous êtes seule, Rosaura? Oui, vous le voyez. Vous écriviez? Oui. À qui? À monsieur Florindo. Ah. Je vais vous lire ma lettre, et vous me direz ce que vous en pensez. Non, il n'y a pas un instant à perdre. Si vous voulez la lui faire parvenir, l'occasion est propice. Comment cela? Cachetez-la sans plus attendre. Je vais vous trouver quelqu'un qui la lui remettra dans les plus brefs délais. Vraiment? Oui, vraiment. Je reviens tout de suite. Qu'il en soit comme on voudra. Je ne pense pas avoir eu tort d'écrire ce que j'ai écrit. Je vais donc envoyer ma lettre. Au moment où elle se prépare à cacheter sa lettre, Béatrice entre, tenant Florindo par la main. Oh, ciel! Vous, ici? Oui, cruelle, ingrate. Et je suis venue vous reprocher votre inconstance. Oh, écoutez, je ne vous ai pas amenée ici pour que vous fassiez une scène à Rosaura. Parlez-lui calmement. Elle est en mesure de tout expliquer. Oui, monsieur. Je m'en doutais bien, vous me croyez au courant de la décision de mon père. Oh, Florindo. Comment pouvez-vous me faire une aussi grande injure? La pauvre petite, elle n'y est pour rien. Mais madame, vous m'avez dit vous-même. Comment? Mais que son père l'avait promise au comte. Et qu'elle s'y était très vite résignée. Moi, je vous ai dit cela. Ah non, je vous ai dit qu'elle était désespérée et qu'elle pleurait toutes les larmes de son corps. Je ne sais plus que croire. Rosaura, pour l'amour du ciel, dites-moi la vérité. M'aimez-vous? Êtes-vous fidèle à celui qui vous aime? Si vous étiez dans l'obligation de renoncer à moi, en éprouveriez-vous de la douleur? Oh, quelle question! Regardez-la! Florindo, dans cette lettre, craignant de ne pas vous revoir, je vous ouvrais tout mon cœur. Lisez-la. Et vous apprendrez par elle... Mais quel besoin y a-t-il d'une lettre quand vous pouvez vous parler? Dites-lui vos sentiments en toute liberté. Faites comme si j'étais pas là. Je suis votre amie, voyons. Je vous plains. Et dans toute la mesure de mon possible, je vous aiderai volontiers l'un et l'autre. Oui, chère Rosaura. Dites-moi si vous m'aimez. Oh oui, je vous aime. Mais... Mais vous allez me faire le plaisir de le garder pour vous. Elle vous aime, voyons. Et vous, est-ce que vous l'aimez? Vous savez bien quelle est ma vie. Ah, alors voyons ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, Béatrice... Mais vous savez bien Mais je que... sais tout. Mais le monde est plein de cas semblables. Tenez, votre voisine Livia s'est mariée il y a 6 mois contre la volonté de son père. Eh bien maintenant, tout le monde est réconcilié. J'ai moins de cheveux sur la tête que je ne connais de filles qui ont fait la même chose. L'exemple des folles ne doit pas servir de règle à celles qui sont sages. Livia s'est mariée contre la volonté de son père. Mais qui a-t-elle gagné? Aux yeux de tout le monde, et peut-être même à ceux de son mari. Son geste sera toujours donné comme un exemple de décision inconsidérée, et elle, comme une femme que l'on ne doit pas imiter. Tout ce que vous dites là est très joli, mais ce ne vaut pas tripette. Rosaura, moi je vous comprends, et je loue votre sagesse. Écoutez pourtant ce qui, sans offenser votre honneur, me semble pouvoir être accordé par votre amour. Mais enfin, vous perdez votre temps en bavardage. Madame, je vous en prie, permettez-moi de parler. Béatrice, dans de telles circonstances, on ne doit pas prendre de décision à la légère. À l'heure qu'il est, moi, j'en aurais déjà pris une. Laquelle? Ah, une belle promesse de mariage échangée entre vous deux. Et un joli serment de main en ma présence et en celle de mon serviteur. Et monsieur le comte Ottavio n'a plus qu'à aller se promener. Des fiançailles clandestines? C'est justement là ce que je ne veux pas. Promettez-moi au moins de ne pas consentir à épouser le comte. Je puis vous promettre de ne pas lui accorder mon cœur. Mais mon père peut disposer de ma main. La main à l'un et le cœur à l'autre. Voilà qui pourrait même passer pour un mariage à la mode. Mais ce cœur que je serais peut-être forcée d'abandonner à Florindo ne me conseillera pas de voir celui-ci, et encore moins de lui parler. Oh, réjouissez-vous, monsieur Florindo, vous avez de beaux jours devant vous. Ah, Rosaura, vous donnez une étendue exagérée à l'autorité de votre père. Je dois lui obéir. Mais vous m'aimiez pourtant. Oui, et mon père était heureux que je vous aime. Et maintenant, parce qu'il a soudain changé d'idée, il pourrait exiger que vous en changiez, vous aussi. Madame Béatrice a raison, si votre père est un homme raisonnable, il ne voudra pas vous contraindre à une aussi dure extrémité. Il se peut qu'il trouve le moyen de se dégager de sa promesse. Je l'ai entendu moi-même tendre la perche au comte pour que celui-ci reprenne sa parole. Eh bien, espérons. Oui. Oui, mais en attendant, prenons nos précautions. Pantalon entre brusquement et son arrivée les plonge tous dans le silence. Rosaura, allez-vous-en. Bien, monsieur mon père. Madame, monsieur, c'est l'heure de passer à table. Mon mari doit avoir déjà dîné. Non, je viens de le voir à l'instant qu'il rentrait chez lui. Venez, madame, allons-nous-en. Bon sang, monsieur Pantalon, vous avez donc peur que je vous mange votre part. Je vais vous laisser. Oh, je vais vous laisser, Dieu merci, quand j'ai faim, je n'ai pas besoin de la charité de personne. Ah, excusez-moi, madame, je ne suis pas pingre, et ma table est ouverte à tout le monde. Vous avez dîné chez moi d'autres fois, et si vous le voulez, aujourd'hui... Je m'étonnais aussi. Une vieille amie comme moi. Eh bien, puisque vous assistez, je reste. Oh, cette femme est infernale. Monsieur Pantalon, je suis votre serviteur. Je suis le vôtre, monsieur. C'est l'heure de votre dîner, je ne voudrais pas vous déranger. Hey, allez, je ne vous retiens pas. Et je vous serai reconnaissant de vous disposer de venir chez moi quand je n'y suis pas. Nous parlerons en temps utile, monsieur. Quand vous le désirerez. Et ce que j'aurai à vous dire vous déplaira sans doute. Ah, vraiment? Comment cela, monsieur? En temps utile. Ah, ben, expliquez-vous. J'ai du respect pour vous, mais... Me manquez-moi si vous l'osez. Je vais écrire cela à mon père. Écrivez-le aussi à votre grand-père. Me faire aller à Livourne, me faire revenir à Venise. Mais qui vous a dit d'y aller? Et qui vous a dit de revenir? Vous saviez la raison de mon départ, et mon arrivée imminente, vous était connue. Vous auriez dû écrire. Vous auriez dû attendre. Vous en avez encore beaucoup à apprendre, monsieur. Je vais dîner. Vous vous en repentirez. Quoi? Je m'en repentirai, non, mais que voulez-vous dire? Nous parlerons en temps utile. Votre serviteur. Ah, si vous aviez une once de bon sens, vous ne parleriez pas ainsi. Si vous aviez écrit, je vous aurais attendu. Et si vous étiez arrivé un jour plus tôt, ma fille était à vous. Mais, cher monsieur Pantalon, est-il possible qu'il n'y ait pas de remède? Ben, s'il y en a un, je ne le connais pas. J'ai donné ma parole, signé le contrat. Que voudriez-vous que je fasse? Voyons tout de même si l'on ne pourrait pas trouver une solution. Mais il est tard, il faut que j'aille à table, avec votre permission. Je sais ce qu'il me reste à faire. Quoi donc, s'il vous plaît? Rien. Non, mais qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Rien, vous dis-je. Je vous salue, monsieur Pantalon. Moi, je vous en ferai rabattre. Rabattre? Que voulez-vous dire? Oui, monsieur, oui. Oui, monsieur, oui, oui, je vous en ferai rabattre. Je suis libre de disposer de ma fille comme bon me semble. Et vos menaces ne me font pas peur. Et à Venise, on sait mettre du plomb dans la tête des fous. Nous en reparlerons. Quoi? Je vous écoute. Nous en reparlerons. Mais oui, nous en reparlerons. Oh non, mais voyez-moi ce malin pris. Et ma fille, toute modestie, toute obéissance, toute résignation. Mais si je n'étais pas survenu, Dieu sait ce qu'ils auraient machiné avec cette chère madame Béatrice. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce papier? Une lettre? L'écriture de ma fille, adressée à monsieur Florindo. Ah, bravo! Voyons un peu ça. Monsieur Florindo, combien je vous ai aimé, vous le savez. Et après un aussi grand amour, vous ne pouvez qu'être convaincu que ce n'est pas sans peine que je vais pouvoir renoncer à vous. Je vous ai conservé ma foi aussi longtemps que je l'ai pu. Mais puisque mon père veut disposer de moi autrement, je suis dans l'obligation de lui obéir. Résignez-vous donc comme moi. Et oubliez-moi si vous le pouvez, encore que moi, je ne le puisse pas. Rosaura. Oh, qu'ai-je lu? Oh, Rosaura obéissante à ce point. Oh, pauvre de moi. Ma fille unique que j'aime tant, je la sacrifie misérablement. Oh, mon Dieu. Mais que puis-je faire? Je l'ai promis, j'ai signé. Allons, Rosaura est une fille prudente et cette vertu qui l'a fait être obéissante à mes volontés la fera devenir amoureuse de son nouveau fiancé et résignée à son destin. Une salle commune de l'hôtellerie où sont descendus le comte Ottavio et madame Olivetta. Arlequin, qui vient d'arriver, cause avec le valet de l'hôtellerie. Écoutez, mon cher, est-ce que je pourrais dire bonjour à monsieur Brighella? Monsieur Brighella? Qui est-ce? Un compatriote à moi, un bergamasque, qui a été valet chez Monsieur Pantalon. On m'a dit qu'il logeait dans cette hôtellerie. Est-ce que ce ne serait pas le père d'une danseuse? Si, tout juste, le père d'Olivetta. Olivetta? Un peu de respect, son valet l'appelle illustrissime. Ah, ah. Alors ça ne doit pas être la même. Son père, n'est-il pas un homme grand? Le teint basané, oui. Terriblement bavard. Oui, ça c'est Briella tout craché. Alors ce sont bien eux, ils sont logés ici. Je voudrais leur dire bonjour. Ils sont à table. Raison de plus. Je dînerai avec eux. Ils sont à table avec un gentilhomme étranger. Bien, bien. Dites-leur que je suis là. Ils en étaient au dessert. Attendez un peu. Il me tarde de le revoir, ce cher Briella. On a toujours eu beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Cela me paraît impossible, car il est d'une fierté terrible. Oh, avec moi, il ne sera pas fier. On a toujours été comme des frères. Allez, soyez gentils, allez lui dire de venir ici. Je veux bien. Mais il ne viendra certainement pas. Pourquoi? Jamais il ne voudra laisser sa fille seule avec cet étranger. Essayez tout de même. Hein? Mais ne lui dites pas qu'il demande. Hein? Je veux lui faire une surprise. Pensez un peu si M. Briella daignera adresser la parole à celui-là. Bien, j'y vais. C'est ça. Ah, ce cher Briella, il me tarde de le revoir. Je vais m'écarter un tout petit peu. Pour lui tomber dessus à l'improviste. Ne bougez pas, ne bougez pas, madame ma fille. Jouez aux cartes avec monsieur le comte. Mazette, il est habillé comme un grand seigneur. Qui est-ce qui me demande? C'est moi, pays. Sois le bienvenu. J'ai appris que tu venais d'arriver à Venise et je suis venu aussitôt te dire bonjour. Ma foi, je suis content de te voir. Mais tu pourrais te dispenser de me tutoyer. Ah, pourquoi? On n'est plus des amis, on n'est plus des camarades. Autre temps. Autre mode. Toi, mon pauvre gars, tu es encore un pauvre valet. Mais moi, je suis quelque chose de plus. Oh, oh, oh, oh. Qu'est-ce que tu es donc, mon cher? Tu ne vois donc pas comme je suis nippé? Ah si, ça je le vois. Et je m'en réjouis. Mais écoute, mon cher... Je t'ai dit de ne pas me tutoyer. Parle-moi avec un peu plus de respect. Pardonnez-moi, cher monsieur Briella. Qu'est-ce que vous devenez? Vous allez bien? Pas mal. Et toi? Oh, j'en ai par-dessus la tête de ce tutoiement. Ah, oh, ben c'est plus fort que moi, qu'est-ce que tu veux? Comment allez-vous? Je me réjouis, en somme, tu... Non, enfin, je veux dire, vous, votre seigneurie a fait fortune. Si tu voyais ma fille. Elle va bien, Olivetta? Olivetta? Mais qu'est-ce qui te prend de l'appeler Olivetta? Je vous demande très humblement pardon. Que devient ton illustrissime fille? Oh, on voit bien que c'est un homme du commun. Elle se porte à ravir. Ça me fait bien plaisir. Que devient Monsieur Pantalon? Notre maître, il va bien. Et sa fille? Elle va se marier. Je sais. Avec le comte Ottavio, n'est-ce pas? Oui. Oh, si tu savais le gentilhomme généreux que c'est. Oh, je le sais. Nous sommes amis. Amis? Oui. Nous avons dîné ensemble ce matin même. Nous sommes, comme qui dirait, intimes. Intimes? Mais c'est un grand seigneur. Et moi? Qu'est-ce que tu crois que je suis? Qu'est-ce que tu es? Raconte-moi ça, mon cher. Harlequin! Si tu continues à me tutoyer, ça va mal tourner pour toi. Je vous en prie, cher monsieur, racontez-moi ce qui vous est arrivé. Tu ne sais donc pas que Madame Olivetta, ma fille, est la première danseuse d'Europe? Ah! Et alors? Et alors? Et alors, ça veut dire que nous avons des tas de belles choses. Des tas d'argenterie. Oh. Des tas de bijoux. On a même un urinal en argent. Oh. Eh bien, d'ici que vous ayez aussi un pot de chambre en or... Oh, Harlequin! Si tu voyais l'effet que produit le fruit de mes entrailles quand elle est en scène, tu ne peux pas savoir. Les spectateurs tombent morts en la voyant. Non. Ils se jettent en bas des loges, l'un par-dessus l'autre. Oh. Le théâtre s'écroule. Il s'écroule littéralement. Oh. Eh ben, je prie le ciel de n'avoir jamais. Pourquoi ça? Si le théâtre s'écroule, je voudrais pas être enseveli sous les décombres. Oh, mais tais-toi, bouffon. Oh. Si tu avais entendu les choses que les gens disaient à Vienne quand elle dansait. Ah oui, oui. Quoi donc? Attends. Brigue. Oh. Non. Ah. Faron. Non. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de l'allemand. C'est de l'allemand. Ah oui, ouais, ça, c'est de l'allemand. Je m'en doutais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux être ignorant? Ça veut dire... Oh, 100 fois! 1000 fois bénie la mère qui l'a faite! Il y avait toujours un autre qui répondait. Et son pauvre père qui l'a élevé, il n'a pas droit lui aussi à des remerciements. Et moi j'en versais des larmes de joie. Ah, ma foi, je m'en vais me marier moi aussi. Et pourquoi veux-tu te marier? Pour avoir une fille. Hein? Pour ne plus avoir à être valet et pour que les gens ne me tutoient plus. Oh, mon pauvre gars. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une fille comme la mienne. D'ailleurs, est-ce que tu te rends compte du nombre de danseuses qu'il y a? Il faut bien te mettre dans l'idée qu'un jeté battu de madame ma fille vaut plus que 100 cabrioles d'une autre. Un jeté battu, oui. Un jeté battu, oui. Un jeté battu, oui. Un jeté. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, regarde. Oh! Tu sais danser! Vous aussi! Oui! Mais dis-moi... Tais-toi! Voici madame, ma fille. Oh. Avec le comte Ottavio. Oui, et alors? Le comte Ottavio et son cavalier servant. Après m'être reposé un peu, comte, je viendrai chez Rodaura pour la loterie. Mm-hmm. Madame? Regardez! Madame, ma fille, ce pauvre garçon voudrait vous saluer. Bonjour, bonjour. Madame Olivetta, je me réjouis infiniment. Comte, ne vous dérangez pas davantage. Je m'en vais me retirer dans ma chambre. Vous ne voulez pas de ma compagnie? Non, non. Je vais dormir. Vous ne voulez pas de ma compagnie? Non. Non, vous dis-je. Eh bien, ce sera pour une autre fois. J'ai horreur des gens pressés. Vous êtes contente, madame Olivetta? C'est à moi que vous parlez? Cher illustrissime, je... Oh, voyons, il me semble vous connaître. Ah ben, je pense bien. Je suis Arlequin. Oui, oui, oui, oui, je me rappelle. Bonjour. Tu as vu Arlequin? Elle t'a dit bonjour. Oh, c'est vraiment une dame accomplie. Hola, quelqu'un? Vous désirez illustrissime? Ma pipe. Tout de suite, illustrissime. Vous n'allez pas faire la sieste, monsieur le comte? Non. Moi, je vais y aller. Mais dormez jusqu'à ce que je vous réveille. Quand me réveillerez-vous? Jamais. Oh, vous voudriez donc que je meure? Un animal de plus ou de moins. J'ai l'impression que monsieur le comte vous traite un peu cavalièrement, monsieur Brigel. Oh, nous avons l'habitude de plaisanter comme ça entre nous. Oh, votre esclave, mon cher comte. Allez-vous-en, je vous ai assez vu. Oh, toujours le mot pourri. Allez-vous-en. Oui, je m'en vais, je m'en vais. Arlequin? Illustrissime. Comment va, madame Rosaura? Bien, je crois. Mmh. Voici votre pipe, monsieur le comte. Mmh. Afin de vous épargner cette peine, je l'ai allumée. Très bien. Tiens. Oh, je remercie votre illustrissime seigneurie. Va-t'en. À vos ordres, illustrissime. Arlequin? Illustrissime. Viens là. Mmh. Arlequin s'approche et Ottavio lui souffle une bouffée de fumée en pleine figure. Aux autres, vous donnez des sous. Et à moi, vous me faites de ces affronts? Pour qui me prenez-vous pour un chien? Oh, il tire sa bourse de sa poche, ça vient. Mets-toi en colère. Bon sang, bonsoir. Mets-toi en colère. Saperlipopette, je m'étonne que vous osiez... Mets-toi en colère! Je suis hors de moi, je vois rouge! Oh, tu ne sais pas te mettre en colère. Il se prépare à remettre la bourse dans sa poche. Attendez! Bon sang, bonsoir! C'est à moi que vous faites cet affront? Sacré bon Dieu! Vous allez voir, enfin une cocu! Merci, cochon, âne, charogne! Merci beaucoup, voleur, moucheur! Ottavio lui casse sa pipe sur la figure. Aïe, aïe, ah non, ah, j'ai compris, je me suis mis assez en colère comme ça. Viens là. Vous désirez encore quelque chose? Viens là! À vos ordres. Ottavio lui donne un coup de pied. Oh, merci, illustrissime. Vous êtes trop beau. Tous des coquins. Illustrissime, il y a quelqu'un qui vous demande. Qui cela? Un certain monsieur Florindo de Livourne. Et qu'il entre. Monsieur le comte veut bien vous recevoir, monsieur. Votre serviteur, monsieur le comte. Excusez-moi si je viens vous déranger. Qui êtes-vous? Florindo Aretusi, pour vous servir. Je ne connais pas. Je suis venu vous prier de... Connais pas. Veuillez avoir l'obligeance de m'écouter. Je ne parle pas aux gens que je ne connais pas. Voilà des manières. Mais je le jure, par le ciel, je lui parlerai, et s'il refuse de m'entendre, mon épée l'y contraindra. L'hôtelier m'a dit qui vous êtes. Je vous écoute. Asseyez-vous. Monsieur le comte, il m'a été dit que vous aviez l'intention d'épouser madame Rosaura Bisognosi. Est-ce vrai? Je ne parle de mes affaires à personne. Eh bien, dans ce cas, je vais vous parler des miennes. Ça ne m'intéresse pas. Au contraire, madame Rosaura est fiancée avec moi. Depuis quand? Ça fait des années que nous nous aimons. Supportelon m'a promis sa fille. Mais elle n'est pas d'accord. Ah, si. Par obéissance à son père et non par amour pour vous. Qu'en savez-vous? Le cœur de Rosaura est mien. Vous mentez. Ah, c'est par l'épée que vous allez me rendre compte de cette injure. Voilà. Quelqu'un? Illustrissime? Je vais dormir. Que personne ne me dérange. Si vous ne m'abandonnez pas, Rosaura, vous y laisserez la vie. Allons, allons, monsieur. Vous voyez bien que monsieur le comte n'a pas envie de se battre. Oui, je l'ai vu. mais je le retrouverai. L'après-midi du même jour, dans son salon, Monsieur Pantalon s'entretient avec Madame Béatrice. Ma fille est la meilleure créature du monde. Et s'il n'y avait pas certaines gens pour lui monter la tête, elle ferait tout ce que je souhaite, sans la moindre difficulté. J'espère que ce n'est pas pour moi que vous dites cela, Monsieur Pantalon. Permettez-moi de vous rappeler que ce matin, en votre présence, je conseillais vivement à Rosa Aura d'épouser le comte Ottavio. Mais quelques instants plus tard, vous lui avez ménagé un entretien avec Monsieur Florindo. C'est-à-dire que j'ai tenu à assister entière à cet entretien. Et pourtant, tout le monde sait que s'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais... j'ai trop d'affection pour Rosa Aura pour ne pas désirer son bonheur. C'est pourquoi vous croyez qu'elle ne sera pas heureuse avec le comte Ottavio? Mais au contraire, je suis sûre qu'elle sera très heureuse. Ce matin, je lui ai répété 10 fois de répondre oui. Alors, si je vous demandais de lui répéter encore... Mais volontiers! Eh bien, parlez-lui, montrez-lui quel est son intérêt. Mettez-la de bonne humeur. Comptez sur moi, Monsieur Pantalon, je vais tout faire pour l'éclairer. Bon. Tenez, je vais à l'instant même la retrouver dans sa chambre. Et je voudrais que vous soyez présent pour m'écouter. Je suis certaine que vous seriez content. Allons-y, je vous accompagne. Non. Il vaut mieux que je lui parle seule. Vous comprenez? Inutile de vous déranger, voici Rosa Aura. Il va s'agir de manœuvrer habilement. Je ne voudrais me brouiller ni avec l'un, ni avec l'autre. Monsieur mon père, je viens de recevoir ce billet. Qui vous écrit? Monsieur le comte Ottavio. Votre fiancé? Qui écrit de beau, monsieur le comte? Tenez, lisez vous-même. Madame ma fiancée. Oh. Vous entendez, Monsieur Pantalon? Madame ma fiancée. Oui, oui. Cet après-midi, je viendrai vous voir. Il viendra aussi une danseuse et nous tirerons une loterie. Faites le nécessaire pour que le livre en ait ne soit pas là. Je suis votre fiancée et votre serviteur, Ottavio del Bagnon. Vous avez entendu, Rosaura? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Livournais? On lui aura sans doute parlé de M. Florindo. Eh bien, il ne faut plus que M. Florindo vienne chez moi. Vous avez compris, Rosa Aura. Vous ne devez plus le recevoir. Oh, mon père. Oh, allons, voyons, qu'est-ce que c'est que ces larmes? Vous devriez plutôt vous réjouir. Et écoutez ce que dit Mme Béatrice. Une chance comme celle-là, on ne peut pas la laisser passer. N'est-ce pas, Madame Béatrice? Qui peut bien être cette danseuse dont parle Monsieur le Comte? Allons, Madame Béatrice, dites à ma fille la chance qu'elle a. Et cette loterie, savez-vous de quelle loterie il s'agit, Rosa Aura? Non, pour vous, ma fille, la plus belle loterie, c'est ce mariage. Enfin, n'est-ce pas, Madame Béatrice? Mesdames, messieurs, il y a Monsieur Brighella qui est là avec l'illustrissime Madame Olivetta, sa fille. Et il voudrait vous honorer. Oui, mais en ce moment, nous n'avons pas le temps. Mais si, qu'ils entrent. Vous comprenez, Monsieur Pantalon, il faut profiter de toutes les occasions de divertir Madame Rosa Aura. Oui, mais... Si, je vous assure. Alors, que décidez-vous? Si on les fait attendre, je les connais, ils vont se mettre en colère. Qu'ils entrent, n'est-ce pas, Monsieur Pantalon? Bon, qu'ils entrent. Et un bon conseil, ne tutoyez pas Monsieur Brighella. Courage. Nous trouverons bien un moyen. Parlez haut, que je vous entende. Je disais... Votre servante, mesdames. Bonjour, Olivetta. Je suis contente de vous revoir. Ça lui écorcherait la bouche de m'appeler madame. Soyez les bienvenus. Mazette, mais nous nageons dans le luxe. Que voulez-vous? On est des artistes, mais on a ce qu'il faut. Vous êtes d'une élégance, Madame Olivetta. Une petite robe de rien du tout. Et quel bijou! Oh, des bagatelles! Nous en avons bien d'autres. S'il vous plaît, Madame ma fille, donnez-moi votre tabatière. Oh, tenez, Monsieur mon père. Merci. Une prise, Madame. Vous savez, cette tabatière est en vrai or. Ce n'est pas du plaqué. Vous êtes devenue riche? Vous n'êtes donc pas au courant? Ma fille est renommée dans le monde entier. Elle danse. Vous verrons-nous danser, Olivetta? Peut-être. Si vous le voulez, il y aurait maintenant une occasion magnifique. On monte un opéra? Oui, un opéra bouffe. Et comme je connais l'impresario... Un opéra bouffe, monsieur mon père. Un opéra bouffe, madame ma fille. Pour qui prenez-vous, madame? Un opéra bouffe. L'opéra. Si nous sommes revenus en Italie, ce n'est pas pour nous galvauder. Mais les premiers sujets dansent dans les opéras bouffes. Madame ma fille, madame, est plus qu'un premier sujet. Madame, ma fille, madame, a occupé toute seule toutes les scènes royales, impériales, ducales et monarcales. Alors, mesdames, je vous en prie, ne vous gênez pas pour moi. Asseyez-vous, si vous le voulez. Vous êtes trop aimable. Asseyons-nous, puisque Madame Olivetta nous le permet. Madame Rosa Aura est fiancée, n'est-ce pas? Vous le savez, vous aussi. Le comte me l'a dit. Le comte? Vous êtes bien intime avec lui? Oh, un ami, en tout bien, tout honneur. Oui, nous sommes habitués à fréquenter princes, maréchaux et plénipotentiaires. Je sais également que Monsieur Florindo est furieux et qu'il a menacé Monsieur le comte. Et Monsieur le comte a tellement peur qu'il tremble de tous ses membres. Voici justement Monsieur le comte. Rosaura, soyez raisonnable. Ottavio entre, salue distraitement tout le monde, sans mot dire, et regarde autour de lui d'un air inquiet. Que cherchez-vous, monsieur le comte? Le Livournais, est-il là? Non, non! Et vous pouvez être sûr qu'il ne viendra pas. Votre esclave, madame ma fiancée. Votre servante, monsieur. Votre esclave, Vénitienne Grassouillette. Monsieur le comte. Toujours gantée, madame ma fiancée. Mais monsieur... Bon, ce soir, vous retirez vos gants. Vous avez bien dormi, la danseuse? La danseuse? S'il n'était pas aussi riche. Vous avez apporté l'objet de la loterie? Mais ma cornaline, mais bien sûr! Taisez-vous, taisez-vous! Prenant les choses en main, Ottavio organise la loterie et Madame Olivetta, trichant un peu avec l'aide de Monsieur son père, réussit à empocher les 10 sequins et à garder sa cornaline, ce qui est pour Monsieur le comte l'occasion de lui décocher une de ses amabilités dont il a le secret. Il faut se dépenser, il faut se démener, car pour vivre, il faut plus que quelques entrechats, n'est-ce pas, la danseuse? Ceci, je ne puis le tolérer. Tu es insolente. Allons-nous-en. Mesdames, messieurs, je vous salue. Monsieur le comte me le paiera. On se retrouvera hors d'Italie. Monsieur le comte a très bien fait de les remettre à leur place. Oui, mais en attendant, ils ont emporté vos 10 sequins et la cornaline. Monsieur le comte, si nous parlions de nos affaires, quand voulez-vous ce que... soir. Ce soir, ben alors, il va falloir... À 8h. Ben oui, mais enfin, il va falloir là, envoyer... Ah, mais je serai là à 8h. Oui, mais j'ai entendu. Alors, je vais donner des ordres... Madame ma fiancée. Eh bien, Rosa Aura. Monsieur le comte. À 8h. Vénitienne Grassouillette, à 8h. Beau-père, à 8h. Je m'en vais me préparer. Vous avez entendu, Rosa Aura? À 8h. J'ai entendu ma sentence. À 8h, je serai sacrifiée. C'est là un sacrifice auquel je ne suis allée qu'une fois. Et j'y retournerai volontiers une seconde fois. Le soir du même jour, une demi-heure environ avant l'heure fatidique. Une salle basse chez Pantalon. Florindo entre très discrètement à la suite du serviteur de Madame Béatrice. Où est Madame Béatrice, Carlo? Elle est là-haut, monsieur, avec Monsieur Pantalon et Madame Rosa Aura. Alors, rendez-moi le service de monter la trouver. Vous la tirerez à l'écart et vous lui direz que je suis là et que j'ai un besoin très urgent de lui parler. Et dites-lui aussi de faire son possible pour venir tout de suite, car si je dois l'attendre trop longtemps, je risque d'être découvert. Vous avez compris? Oh, oui, monsieur, mais soyez gentil. Ne dites pas à ma maîtresse que c'est moi qui vous ai fait entrer chez Monsieur Pantalon. Ne craignez rien, je lui dirai que j'ai trouvé ouverte la porte de la rue. Et tenez, en attendant, prenez ce sequin. Oh, monsieur, c'est un plaisir de vous rendre service. Je veux savoir si, malgré ce que j'ai dit au comte, lorsque je l'ai rencontré cet après-midi dans la rue et qu'il s'est enfui comme un lâche, je veux savoir, dis-je, si le mariage doit quand même avoir lieu tout à l'heure. Si oui, je suis prête à toutes les violences pour l'empêcher. Mon rival mourra, et tous ces dangers et ces malheurs auxquels va peut-être m'exposer mon désespoir seront l'effet de la cruauté de Rosa Aura. Une cruauté qui se dissimule sous le masque de l'obéissance. Que diable faites-vous là? Allez-vous-en, monsieur Pantalon me suit de près. Est-il vrai que Rosa Aura se marie ce soir avec le comte Ottavio? On ne peut plus vrai. Allez-vous-en, il n'y a plus rien à faire. Est-il possible que Rosa Aura... Mais vite! J'entends monsieur Pantalon qui descend l'escalier. Oh, cachez-moi quelque part. Mais vous n'y pensez pas, allez-vous-en, vous dis-je. Madame, on va voir monsieur. Il y a du monde dans le vestibule. Oh mon Dieu, que faire? Cachez-moi! Tenez, entrez dans ce cabinet et n'en bougez pas. Je vous le promets. Oui, bien sûr, voilà. Oh, mais qui est dans le vestibule? Je crois que c'est le père de la danseuse, madame. Enfin, qu'est-ce qu'il peut bien vouloir? Oh, j'ai connu des femmes curieuses, mais aussi curieuses que ma maîtresse, jamais. Carlo sort à la suite de madame Béatrice et presque aussitôt, par une autre porte, Pantalon entre avec Rosa Aura. Rosa Aura, Pourquoi n'as-tu pas mis tes beaux bijoux que t'a envoyé monsieur le comte? Tu lui aurais fait une politesse en paraissant devant lui avec son magnifique cadeau. L'occasion ne m'en fera pas défaut. Bah, quand il arrivera, va à sa rencontre. Elle est contente de le voir. Bien, monsieur. Je ferai tout ce que vous voudrez. Retire tes gants. Je les retirerai quand il faudra. Mais tu sais bien qu'il ne peut pas voir les gants. Il est vraiment plein d'extravagance. Oui, mais il est plein de gros sous. Monsieur Pantalon, Rosa Aura, riez. Mais quoi, que se passe-t-il? Monsieur Brighella est là, dans le vestibule. Et il est au désespoir. Son valet lui a tout volé. Et il n'a plus rien, c'est à mourir de rire. Madame, ce qui arrive à l'un peut arriver à l'autre. Et l'on ne devrait pas rire de ceux qui sont dans le malheur. Pauvre Brighella, je veux voir comment il est. Je reviens tout de suite, Rosa Aura. Rosa Aura, vous savez qui est dans ce cabinet? Qui ça? Chut. Ce fou de Florindo. Oh, Dieu, comment? Oui, je suis là, ingrat. Oh, monsieur, comment? Vite, monsieur Florindo, disparaissez. Monsieur Pantalon peut revenir d'un instant à l'autre. Perfide Rosa Aura, je me vengerai. Oh, madame, vous êtes une traîtresse. Moi? Oui, et je vais m'en aller. Oh, j'agis pour le bien de tout le monde? Et on m'insulte. Mais où allez-vous, Rosa Aura? Dans ma chambre, monsieur. Pourquoi? Tu n'as rien à y faire. Permettez-moi. Je veux que tu restes là. Je vous obéis, mon père. Oh, elle me fait pitié. Elle est triste comme un poussin qui aurait perdu sa mère. Alors, Brighella, racontez-nous vos malheurs. Oh, que voulez-vous que je vous dise? Cette canaille doit bien m'avoir emporté la valeur de 20 ou 30 000 ducats. Oh, vous nous ferez bien un petit rabais. Un rabais? Il y avait des diamants gros comme ça. Peste! Mais comment votre fille a-t-elle bien pu les gagner, ces diamants? Comment? Avec son talent, avec sa danse. La chère enfant, toutes les fois qu'elle dansait le pas de la pèlerine, les gens, à qui mieux, lui jetaient de l'horloge des sequins, des diamants, des tabatières, des bonbonnières, des montres. Mais les montres devaient se casser. Non, madame! Parce qu'elles étaient toutes en or. Oui, bien, bien, bien, bien. Mais maintenant, qu'allez-vous faire? Je ne sais pas très bien. Cher monsieur mon maître, je vous recommande à votre protection. Oh, quoi? Les protecteurs ne doivent pas manquer à votre fille. Madame, en dehors du théâtre, madame Olivetta ne voit personne. Mais elle a pourtant dîné avec monsieur le comte aujourd'hui même. Monsieur le comte, nous lui avons fait cette politesse de l'accepter à notre table. Et les 10 sequins de la cornaline, on peut dire que monsieur le comte lui en a fait cadeau. Il y a vraiment de quoi en parler. 10 sequins. Nous faisons autant de cas de 10 sequins que de 10 sous. Mais pourquoi n'envoyez-vous pas à la poursuite de votre voleur? Je vais vous dire, monsieur, je voulais le faire. Mais sans argent, il n'y a personne qui veuille bouger. Mais si vous faites autant de cas des sequins que des sous, vous devez en avoir plein les poches. Tout était dans la malle, monsieur. Des écus grands comme des assiettes. Bah alors que puis-je faire pour vous? Je vais aller moi-même à la poursuite de ce coquin. Et pendant que je serai absent, je vous supplie de recevoir ma fille chez vous et de veiller sur elle. Volontiers. Ouh là là. Mais de quoi vous mêlez-vous, madame? Qu'en dites-vous, Rosa Aura? Vous êtes le maître. Faites venir votre fille, Brighella, mais dites-lui d'être un peu plus humble. Oh, ma fille, mais on ne peut pas dire qu'elle soit fière. Elle salue tout le monde avec politesse. Et même, il lui arrive de faire asseoir la blanchisseuse. Oh, quelle simplicité. Une autre qui aurait tout son talent ne daignerait adresser la parole à personne. Mais madame, ma fille, est aimable avec tout le monde. Bon, alors, allez la chercher, ne perdez pas de temps. Si vous voulez retrouver vos affaires. J'y vais tout de suite. Et ne soyez pas embarrassés, vous savez. Quand il le faut, madame, ma fille, est capable de se contenter de peu. Mais tant mieux. Si son lit est un peu dur, elle pourra s'en accommoder. Elle fera comme si elle était en voyage. Voilà. On ne peut toujours pas avoir des baldaquins en damas. Non, non. À Vienne, elle avait des draps en dentelle. Oh. Et à Berlin, ses couvertures étaient en brocart d'or. Oh. Il est incorrigible. Jusque dans le malheur, il conserve sa suffisance. Et tout ça ne vous fait pas rire, Rosa Aura? Les sottises ne me font pas rire. Je ne voudrais pas que votre mélancolie vous revienne. Ne craignez rien, mon père. Monsieur, le valet de l'hôtellerie est là et voudra entrer. Qu'il entre. Vous ne savez pas, monsieur mon maître? Ben non. Je viens de tutoyer Brighella et ne s'est pas mise en colère. Et alors? Ça veut dire que quand la faim augmente, l'orgueil diminue. Oui, il devrait en être ainsi, mais ce Brighella a encore la tête pleine de grandeur. S'il ne retrouve pas ses affaires, tous ses rêves de grandeur s'évanouiront. Monsieur, c'est monsieur le comte qui m'envoie. Oh oui, oui, très bien, très bien. Il est bientôt 8 heures, il est ponctuel. Alors vite, vite, des bougies, du café, des sièges. Vous avez entendu, Rosa Aura? Oh, je me sens mourir. Monsieur le comte m'envoie pour... Où est-il? En gondole. Vous entendez, Rosaura, il est en gondole. Il va arriver. C'est le moment de bien se comporter, ma chère fille. Ne me fais pas honte. Permettez, monsieur, Attendez. Rosaura, l'épouses-tu volontiers? Puisque je vous ai dit que oui. Ah oui, mais enfin, tu m'as l'air mélancolique. Mais non, je suis gaie, très gaie. Oui, tu me rassures. Bon. Et alors, vous, qu'avez-vous à me dire? Je vais vous le dire, enfin. Monsieur le comte me charge de vous saluer et de vous remettre ce billet. Un billet? Mais quel besoin de se faire précéder par un billet? Je n'en sais pas plus. Excusez-moi, il faut que je m'en aille, on m'attend. Serviteur de la compagnie. Du nouveau. J'ai le cœur qui bat. Voyons un peu ce qu'écrit monsieur le comte. Monsieur Pantalon, je ne veux pas d'histoire à propos de femmes. Si je tue quelqu'un, c'est mal, et si je suis tué, c'est pis. Mais que diable veut-il dire? Je vous renvoie le contrat de mariage. Comment? Mais enfin, serait-il devenu fou? Je ne veux plus me marier. Mais enfin, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, elle n'est pas mauvaise, celle-là. Je respire. J'abandonne les bijoux. Je verserai les 10 000 ducats si, à cause de moi, Madame Rosaura ne se marie pas. Ah, ça, c'est un vrai gentilhomme. Si elle épouse le Livournais, pas un sou. Je pars pour Rome, adieu. Eh bien, si je m'attendais à cela... Et il écrit aussi laconiquement qu'il parle. Mais qu'en pensez-vous, Rosaura? Je ne sais que dire. Enfin, cette nouvelle vous plaît-elle? Ou vous déplaît-elle? Moi, je crois qu'elle doit lui faire plaisir. Mais laissez-la parler! Alors, Rosaura? Mon plaisir dépend du vôtre, monsieur mon père. Vous, comment l'accueillez-vous, cette nouvelle? Je vais vous dire la vérité. À l'idée que vous n'auriez peut-être pas été très heureuse, je suis presque content de me voir dégager avec honneur de cet engagement. Mais je regrette de voir vous échapper une fortune comme on ne rencontre pas tous les jours. Mais il y a un moyen tout trouvé de compenser ce dommage. C'est de la marier à M. Florindo. Il n'est guère moins riche que M. le comte. Mais vous n'avez pas entendu que si elle épouse Florindo, le comte ne lui donnera pas les 10 000 ducats. Mais M. Florindo les lui donnerait, j'en suis sûre. Cher monsieur mon père, les 10 000 ducats que m'offre monsieur le comte sont une injure pour moi. Suis-je donc perdue de réputation, que je doive craindre de ne pas me marier? Alors, que voulez-vous faire? Nous allons y réfléchir. Mais puisqu'il devait y avoir un mariage ce soir, remplaçons le comte Ottavio par monsieur Florindo. Mais où est-il, monsieur Florindo? Je vais le chercher. Non! Tu ne veux pas épouser monsieur Florindo? Je vous en prie. Cher monsieur mon père, pour le moment, laissez-moi en paix. Il suffirait qu'il soit là et vous verriez, si elle dirait oui. Ah, s'il pouvait être là. Vous allez voir. Elle va vers le cabinet et en ouvre la porte. Oh, ciel! Mais où vas-tu? Oh, laissez-moi partir. Non, reste là, te dis-je. Je vous en prie. Allez, venez, monsieur Florindo, venez. Comment, monsieur Florindo ici? Mais enfin, qu'est-ce que vous faisiez dans ce cabinet? Oh, monsieur, c'est le désespoir qui m'y a conduit. Le pauvre! Il voulait se jeter par la fenêtre, alors je l'ai enfermé dans ce cabinet. Allons, tout le monde sait que vous vous aimez. Et monsieur Pantalon sera très heureux que votre mariage se fasse. Je ne sais que dire. Se cacher comme ça, tout de même, chez moi. Mesdames et messieurs, voici madame ma fille qui veut vous saluer. Allons, Olivetta, faites une belle révérence à ces dames. Je m'incline devant ces dames. Permettez que je vous baise les mains, madame Rosaura. Non, inutile. Qu'en dites-vous, hein? Madame ma fille est-elle assez humble? On ne dirait jamais que c'est une virtuose. Ma pauvre enfant, espérons que vous retrouverez vos affaires. Le ciel le veuille. Moi, ce que je regrette le plus, c'est notre porcelaine. En Italie, on n'en trouve pas de pareille. Olivetta, si vous voulez danser dans cet opéra bouffe, je parlerai à l'impresario. Qu'en dites-vous, papa? Je vous laisse juge, ma chère enfant. J'accepterai, pour ne pas rester oisive. Oui, et comme cela, vous vous ferez connaître également ici, et les Vénitiens pourront s'enorgueillir de vous avoir vu danser. Et s'il ne restait plus que des emplois de figurante? Oh, alors dans ce cas... Ma fille étant l'humilité même, elle acceptera n'importe quoi. Moi, pendant ce temps, j'irai à la poursuite de cette fripouille. Cher monsieur Pantalon, pourriez-vous me prêter 2 sequins? Vous me les rendrez quand? Quand ma fille dansera. Il se peut aussi que la chose ne s'arrange pas et qu'elle ne danse jamais. Est-ce que vous croyez que d'ici 2 ou 3 jours, ma fille n'aura pas de sous? Attendez que l'on sache qu'elle est à Venise et vous verrez. Allons, monsieur Pantalon, puisque le sort leur est propice. Faites le bonheur de ces pauvres amoureux. Oui, mariez-vous et que le ciel vous bénisse. Chère Madame Rosaura, ayez pitié de moi. Allons, Rosaura. Il ferait s'émouvoir les pierres. Je ne voudrais pas qu'on croie... Pauvre Madame Rosaura, elle est aussi modeste et réservée que ma fille. Allons, Rosaura, donnez-lui votre main, je vous l'ordonne. Je suis bien forcée de vous obéir. C'est seulement par obéissance que vous le faites ? Oui, Florindo. Mais sachez néanmoins qu'il n'est aucun des ordres de mon père, auquel j'ai obéi avec un plus grand plaisir. Bravo ! Vos paroles me réconfortent, chère Rosaura. Et en acceptant votre main, je... Mesdames et messieurs... Qui a-t-il, Arlequin ? Monsieur le comte, Ottavio est là. Il n'est pas parti ? Oh, que je suis malheureuse. Qu'est-ce qu'il veut encore, celui-là ? Oui, que veut-il ? Brighella, Madame Olivetta, réjouissez-vous. Pourquoi ? On a arrêté votre voleur. Vos affaires sont retrouvées. Vraiment ? Je n'ose le croire. Il en est ainsi, foi d'honnête homme. Monsieur Brighella, Monsieur Brighella, on a arrêté votre voleur. Ah, qu'est-ce que je vous disais ? Et où l'a-t-on arrêté ? Dans la lagune, avant qu'il arrive à Fusina. Comment cela s'est-il fait ? Oh, c'est Monsieur le comte Ottavio qui a donné de l'argent pour qu'on aille à la poursuite de votre valet et... Oh, ce cher comte est vraiment un homme très bien. Vous ne me donnez pas un pourboire pour cette bonne nouvelle ? Non, je la connaissais déjà. Allez, allez, vous pouvez disposer. Toujours aussi généreux. Serviteur de la compagnie. Oui, ben on ne voit toujours pas venir Monsieur le comte. D'ici que tout cela ne soit pas vrai. S'il vient, je vous jure que je vais le tuer. Oh non, Florindo. Ah, pas de querelle. Ça, je vous en prie. Madame Olivetta, je me réjouis. Maintenant, vous devez respirer. Ah, ce n'est pas cela non plus qui m'aurait rendu malade. Danserez-vous encore dans l'opéra bouffe ? Non, non, madame. Et je suis même honteuse d'y avoir seulement pensé. Oui, oui, ce sont des choses qu'on dit. Et puis ensuite, on réfléchit. Pensez donc, une artiste comme madame ma fille. Chut ! Voici monsieur le comte. Je frémis de rage. Alors, que désirez-vous, monsieur ? Vous avez lu ? Oui. Et alors ? Vous êtes libre ? Et ma fille va épouser monsieur Florindo. Très bien, je pars pour Rome, votre esclave. Cher comte, voulez-vous me faire l'honneur ? Taisez-vous. Nous vous sommes très obligés. Taisez-vous. Ce que j'ai fait, c'est parce qu'on vous a volé pendant que la danseuse était dans ma chambre. Je suis gentilhomme. Et moi ? Vous êtes une oie. Oh ! Et vous, le père, vous êtes un coquin. Oh, est-il assez amusant, ce cher comte ? Toujours la plaisanterie au lèvres. Allons vite, mes amis, avant qu'il revienne, donnez-vous la main. Oui, bien-aimée Rosaura, voici ma main. Et voici la mienne, chère Florindo. Bravo, bravo, bravo. Allons-nous-en, monsieur mon père. J'ai l'impression que dans cette maison, on ne nous apprécie pas. Mesdames, messieurs. Quand vous ferez le dîner de mariage ou que vous inviterez du monde, ne vous gênez pas. Si vous avez besoin d'argenterie, nous vous prêterons la nôtre. Aspect de la comédie italienne. Vous venez d'entendre La fille obéissante, comédie de Carlo Goldoni, adaptation inédite de Michel Arnaud. Voici quelle en était l'interprétation: le comte Ottavio, Pascal Mazzotti, Pantalon, Marcel André, Florindo, Michel Bernardi, Arlequin, André Gilles, Brighella, Georges Audoubert, le valet Jean Péméja, Carlo Marcel Alba, Rosaura Catherine Hubeau, Béatrice Josette Armina, Olivetta Régine Blaès. La présentation et les textes de liaison étaient dits par Robert Chando. Chef opérateur du son, Robert Lavoigna, collaboration technique, Joseph Rémiot, assistante de production, Yvonne Despouille. L'émission a été réalisée sous la direction artistique de Léon Ruth.